Chapitre 32e. Vous me trouverez, dit le bon colonel à Elinor, un très maussade narrateur. Je sais à peine par où commencer le récit que j'ai à vous faire. Quand je quittais Barton le dernier octobre, mais il faut que je prenne mon récit de plus loin. Il faut que je vous parle de ma propre histoire. Je vous promets d'être bref, et vous pouvez vous fier à moi. C'est un sujet sur lequel je crains de demeurer longtemps. Et ces mots furent accompagnés d'un profond soupir. Il s'arrêta un moment comme cherchant à rassembler ses idées. Ensuite il poursuivit. Vous avez probablement, Miss Dashwood, oublié une conversation que j'eus avec vous un soir à Barton Park pendant qu'on dansait. Je vous parlais d'une dame que j'avais connue autrefois qui ressemblait à beaucoup d'égards à votre sœur Maria. Je ne l'ai point oubliée, s'écria Elinor. Je pourrais, je crois, vous dire vos mêmes paroles, mais qui pourrait rendre l'expression de sentiment avec lequel vous parliez de cette femme ? Je l'avoue, dit le colonel, c'était avec une bien vive émotion que je remarquais dans votre sœur une ressemblance frappante à plusieurs égards avec cette femme qui n'existe plus depuis longtemps. Ce n'est pas peut-être dans le détail des traits que ce rapport existe, quoiqu'il y en ait aussi. La figure de Maria est plus belle, mais c'est la même expression de physionomie, le même regard, la même chaleur de cœur, la même vivacité d'imagination, le même caractère. Elisa était ma proche parente. Orpheline dès son enfance, elle fut mise sous la tutelle de mon père. Je n'avais qu'une année de plus qu'elle et nous étions élevés ensemble. Elle était la compagne de mes jeux et mon intime amie. Je ne puis me rappeler le temps où je n'aimais pas Elisa, et mon affection croissant avec les années devint enfin un sentiment passionné. En me jugeant sur ma gravité actuelle, vous m'avez cru peut-être incapable d'un sentiment exalté. Il l'était au point que ni le temps ni sa mort n'ont pu l'éteindre, et qu'au moment où je vis votre sœur, qui me la rappelait si parfaitement, il se réveilla avec une nouvelle force. Elisa m'aimait aussi. Son attachement pour moi était aussi vif, aussi passionné que celui de votre sœur pour Willoughby. Jugez donc, si je l'excuse, si je le comprends. Vous, sage Elinor, vous qui savez placer vos sentiments sous l'égide de la raison, vous ne devez pas comprendre le moment où l'on n'entend plus sa voix, où celle de l'amour est seule écoutée. Ici des larmes remplirent les yeux d'Elinor. Mais votre sensibilité vous rend indulgente pour les faiblesses du cœur, et j'en abuse peut-être. Un sourire d'Elinor et même ses larmes lui dirent de continuer. La fortune d'Elisa était considérable. Nous n'y avions jamais pensé. Elle était destinée à mon frère aîné. Nous l'ignorions tous les deux. Il voyageait avec un gouverneur et connaissait à peine sa jeune cousine, qu'il avait jusqu'alors regardée comme un enfant. Lorsqu'il revint dans la maison paternelle, il avait 24 ans. Elisa 17 et moi 18. Mon père, alors, nous dévoilant ses desseins, ordonna à sa nièce de se préparer à donner sa main à mon frère. Il aimait passionnément ce fils, qui pendant 6 ans avait été son fils unique, et ne pouvant lui laisser assez de fortune à son gré, il voulait lui assurer celle de sa pupille. Voilà, je crois, la seule excuse que je puisse alléguer pour celui qui était à la fois l'oncle et le tuteur de cette jeune victime. Prosterné à ses pieds, Elisa, en avouant notre amour, implora en vain sa pitié. En vain offrîmes-nous d'un commun accord de céder à mon frère cette fortune qui nous rendait si malheureux. Mon père traita et notre attachement et cette proposition de folies enfantines, qu'il ne lui était pas permis d'écouter, et persista durement dans ses projets, en disant qu'il saurait bien se faire obéir d'elle ainsi que de mon frère, qui, sans aimer du tout sa cousine, consentait cependant à l'épouser. Au désespoir et décidé à tout plutôt qu'à renoncer l'un à l'autre, nous formâmes un projet d'évasion. Le jour était fixé. Nous devions fuir en Écosse. Nous fûmes trahis par la femme de chambre de ma cousine. Mon père, en fureur, me bannit de sa maison. Il m'envoya chez un parent dont les terres étaient très éloignées, avec l'injonction de me surveiller, ce dont il s'acquitta avec dureté. Elisa, renfermée dans sa chambre, privée de toute société, de tout plaisir, fut traitée plus rigoureusement encore. Elle me promit, en nous séparant, que rien au monde ne pourrait ébranler sa constance, et avant que l'année fût écoulée, on m'apprit en me rendant ma liberté que j'avais trop compté sur le courage d'une fille de 17 ans, que celui d'Elisa avait cédé à l'ennui de sa situation, peut-être au mauvais traitement, et que celle qui devait être ma femme, ma compagne, était actuellement ma belle-sœur. Ce coup qui nous séparait à jamais fut terrible. Cependant, j'étais bien jeune, et si j'avais pu croire qu'elle fût heureuse avec mon frère, peut-être aurais-je fini par prendre mon parti. Mais pouvait-elle l'être avec un homme qui, sans l'aimer, et seulement pour sa fortune, consentait à l'épouser malgré elle, lui connaissant un autre attachement et condamnant son frère au désespoir et à l'exil, car mon père, sans même me revoir, me plaça dans un régiment qui passait aux Grandes Indes, ce qui me fit plaisir. Je n'aurais pas pu revoir Elisa dans notre nouvelle situation, et je n'aurais pas voulu l'exposer aux soupçons de son mari, ni renouveler par ma présence le souvenir d'un sentiment que je désirais alors qu'elle pût oublier. Je vous ai dit qu'elle ressemblait à votre sœur. Vous savez donc déjà qu'elle était belle, séduisante, que son cœur et son imagination étaient toujours en mouvement. En un seul point, elle différait de Maria. Elle n'avait pas, comme votre sœur, la sauvegarde d'un système arrêté, celui de n'aimer qu'une fois en sa vie. Ici, il soupira profondément. Elinor, qui ne croyait pas au système arrêté d'une fille de 18 ans, ne put s'empêcher de sourire à demi. Le colonel continua, mais avec une peine visible. Combien ce qu'il me reste à vous apprendre me coûte à prononcer, dit-il avec un accent étouffé. Il ne faut pas moins que le motif qui me conduit ici pour m'y décider. Elinor l'encouragea par un regard plein d'amitié. Mon père mourut peu de mois après ce mariage. Elisa, si jeune encore, sans expérience, livrée à elle-même avec une vivacité de caractère qui aurait demandé d'être guidée, se trouvait unie à un mari qui n'avait pour elle ni attachement ni aucune de ces attentions qui gagnent par degrés un cœur aimant. Il la traitait même avec dureté. Oh, qui pourrait ne pas la plaindre? Si elle avait eu seulement un ami pour l'avertir des dangers de sa situation. Mais la malheureuse Elisa ne trouva qu'un séducteur qui la conduisit à sa perte. Si j'étais resté en Angleterre, peut-être, mais je croyais assurer son bonheur par mon absence, bien plus que par ma présence, et dans le seul motif de rendre la paix à son cœur, je la prolongeais plus que je n'aurais dû. Ce que j'avais ressenti en apprenant son mariage n'était rien auprès de ce que j'éprouvais lorsque, 2 ans après, j'appris son divorce, demandé par un époux justement outragé. C'est là ce qui m'a jeté dans cette tristesse que je n'ai pu vaincre, même actuellement le souvenir de ce que j'ai souffert. Il ne put continuer, et se levant, il se promena vivement dans le salon pendant quelques minutes. Elinor, affectée par ce récit, et plus encore par l'émotion qu'il lui avait causée, ne pouvait lui parler. Après quelques instants, elle fut à lui, et le conjura de cesser une narration qui lui faisait autant de peine. « Non, lui dit-il, après avoir baisé sa main avec un tendre respect, il faut que vous sachiez tout. Je n'ai pas touché encore ce qui peut vous intéresser. Daignez m'écouter quelques instants de plus. » Ils se rassirent à côté l'un de l'autre, et il reprit ainsi. « Je fus encore 3 années depuis ce malheureux événement sans retourner en Angleterre. Mon premier soin, quand j'arrivais, fut de la chercher, mais mes recherches furent vaines. Je ne pus arriver qu'à son premier séducteur qu'elle l'avait abandonné, et tout donnait lieu de penser que dès lors elle s'était toujours plus enfoncée dans le mal. Mon frère, en se séparant d'elle, pour raison d'inconduite, n'avait pas été obligé de lui rendre toute sa fortune, et ce qu'il lui donnait annuellement ne pouvait lui suffire. J'appris de lui qu'une autre personne s'était présenté pour toucher ses 30. Il imaginait donc, et avec un calme dont je fus révolté, que ses extravagances l'avaient obligé de disposer dans un moment de pressant besoin de la seule chose qui lui resta pour vivre. Je ne pus supporter cette idée. Ma cousine, l'amie de mon enfance, l'amante de ma jeunesse, ma sœur, mon Elisa réduite à la misère, me poursuivait sans relâche. Je recommençais de nouveau mes recherches dans tous les lieux où le malheur et le désespoir pouvait l'avoir conduite, sûre qu'elle n'était pas morte, puisque son annuité se payait encore. L'individu qui la touchait ne put me donner que des renseignements obscurs. Enfin, après 6 mois de courses inutiles, je la trouvai par hasard. J'appris qu'un ancien domestique de mon père avait eu du malheur et venait d'être enfermé pour dette. J'allais le délivrer, et dans la même maison d'arrêt, et pour la même cause, était aussi mon infortunée sœur, si changée, si flétrie par des peines de toute espèce, qu'à peine puis-je la reconnaître. Ce fut elle qui me reconnut à l'instant, et qui me nommant avec un cri déchirant, et en se cachant le visage entre les mains, m'apprit que j'avais devant moi l'objet de tant de recherches. Cette figure si maigre, si triste, où l'on voyait à peine quelques traces de beauté, c'était mon Élisa. C'était celle que j'avais adorée et quittée dans la fleur de la jeunesse, de la santé, d'une surabondance de vie et de sentiments. Ce que je souffris en la retrouvant ainsi. Mais non, je n'ai pas le droit d'exciter votre sensibilité pour une étrangère, quand vous avez assez de vos peines. Je me suis même trop étendu sur un sujet si douloureux. Suivant les apparences, Élisa était au dernier degré de la consomption, et son malheur et le mien étaient au point que ce fut une consolation. La vie ne pouvait plus avoir d'autre prix pour elle que celui de lui donner le temps de se préparer à la mort, et ce temps lui fut accordé. Ce jour même, elle fut placée dans un bel appartement, entourée de tous les soins nécessaires. Je la visitai chaque jour pendant le reste de sa courte vie, et je reçus son dernier soupir. Il s'arrêta encore. Elinor lui témoigna, avec l'expression la plus sincère, la part qu'elle prenait au triste sort de son ami. « Votre sœur, j'espère, dit-il, ne peut être offensée par la ressemblance qui m'a frappé entre elle et ma pauvre infortunée parente. Leur destin ne peut jamais avoir le moindre rapport, et si les dispositions naturelles de mon Élisa avaient été soutenues par une sœur comme Elinor ou par un heureux mariage, elle aurait été sûrement tout ce que Maria sera un jour, quand cet orage de son cœur aura dissipé les illusions, trop romanesques peut-être, mais bien séduisantes, auxquelles son imagination s'est livrée. Mais à quoi mène cette déplorable histoire, allez-vous penser? Peut-être avancer le moment où votre sœur bannira de sa pensée celui qui ne la méritait pas. Pardonnez donc si, dans ce but, j'ai risqué de vous faire partager la pénible émotion que ce récit m'a donnée. Depuis 15 ans que j'ai fermé les yeux d'Elisa, c'est la première fois que ce nom toujours présent à ma pensée est sorti de ma bouche. Je n'ai pas même voulu que sa fille le portât. « Sa fille ? » interrompit Elinor. « Serait-ce ? » « Madame Jennings vous a peut-être parlé de Miss Williams ?» J'ai vu par quelques mots qu'elle connaissait son existence et le tendre intérêt que je prends à cette jeune personne, qui ne sera pas, hélas, plus heureuse que celle qui lui fit le triste présent de la vie sous de si fâcheux auspices. Cet enfant, fruit de sa coupable liaison, âgé de 3 ans, était avec elle. Elle la chérissait et ne l'avait point quittée, ce qui m'a prouvé qu'elle était vraie, lorsqu'elle m'a juré qu'elle n'avait pas d'autre faute à se reprocher, et que le repentir seul lui avait fait quitter le père de cet enfant. Elle me le dit encore en expirant, et en me recommandant sa fille, que je promis de regarder comme si elle était la mienne. Je sentis tout le prix de sa confiance, et je lui aurais bien volontiers servi de père dans le sens le plus strict, en veillant moi-même sur son éducation, si ma situation me l'avait permis, mais je n'avais ni famille, ni demeure qui m'appartinsse. Ainsi, je fus forcé de placer ma petite pupille dans une pension sous le nom de Caroline Williams. Ce dernier est mon nom de baptême, que je me plus à lui donner. Je la vis aussi souvent qu'il me fut possible, et depuis la mort de mon frère, arrivé il y a 5 ans, qui me laissa la propriété de tous les biens de la famille, elle m'a souvent visité à Delafort. Je la présentais comme une parente dont j'avais été nommé le tuteur, mais je me doute qu'on a soupçonné dans le monde qu'elle me tenait de plus près. Résolu de la traiter comme ma fille, je n'ai pas démenti ce bruit, puisqu'également sa naissance n'était ni légitime ni avouée. Il y a 3 ans que, la trouvant grande et formée pour son âge, elle avait alors 14 ans, je l'ôtai de la pension où elle était depuis la mort de sa mère, pour la placer sous les soins d'une femme très respectable qui réside en Dorsetshire et s'est chargé de surveiller l'éducation de 5 ou 6 jeunes personnes. Pendant 2 ans, je fus parfaitement content de ma fille adoptive. Aussi jolie que sa mère, elle paraissait plus posée, plus calme. Sa maîtresse, qui l'aimait beaucoup, avait en elle tant de confiance qu'elle me sollicita de lui permettre de passer quelques semaines à Bath, avec les parents de l'une de ses jeunes amies qui désiraient sa société pour leur fille. Je connaissais cette famille sous un jour avantageux. La santé de Caroline avait toujours été délicate. Je pensais que cette course et les bains la fortifieraient, et j'eus l'imprudence d'y consentir. C'est là, sans doute, où elle fit la connaissance qui lui a été si fatale. J'ai su depuis que le père de son amie, ayant été retenu par la goutte à la maison, était soigné par sa femme, et que les 2 jeunes amies allaient seules dans les promenades, ou à leurs emplettes du matin. Quoique l'amie de Caroline n'ait jamais voulu convenir de rien, j'ai lieu de croire qu'elle était confidente de son inclination et la favorisait. De retour à la pension, Caroline ne fut plus la même. Rêveuse, inégale, inattentive, elle s'échappait souvent pour se promener seule dans les environs. La maîtresse la menaça de m'avertir. Enfin, au mois de février, il y a à présent 1 année, elle sortit un jour comme à l'ordinaire et ne revint pas. Après 1 jour ou 2 passés en recherches inutiles, je fus averti de sa disparition. J'accourus, et tout ce que je pus apprendre, c'est qu'elle s'en était allée. Pendant 8 mois, je fus livré à des conjectures dont l'une détruisait l'autre et me replongeait dans une incertitude cruelle. Tout ce que je pus découvrir, c'est qu'un jeune homme d'une figure, d'une beauté remarquable, avait souvent été vu dans les environs, se promenant avec elle, mais je ne pus avoir aucune lumière sur son nom. « Oh ciel !» s'écria Linor, « serait-ce ? Est-il possible que ce soit Willoughby ?» Sans lui répondre, le colonel continua. Toutes les recherches pour découvrir quelques traces de sa demeure ayant été inutiles, je tombais dans un sombre abattement, dont mon ami Sir George Middleton eut la bonté de s'inquiéter. Il m'invita de passer quelque temps à Barton Park pour me distraire. Je ne lui avais point confié la cause de mon chagrin, espérant d'un jour à l'autre retrouver ma brebis égarée et sauver au moins sa réputation. J'avais besoin de fuir les lieux où je l'avais vue, où je ne la voyais plus, et j'acceptais la proposition de mon ami. C'est alors que je fis la connaissance des intéressants parents de Sir George. C'est là que je vis avec un trouble que je ne pus cacher l'image vivante de ma pauvre Elisa, image qui me fit une impression d'autant plus vive, d'autant plus douloureuse qu'elle me retraça en même temps et la perte de la mère et celle du dépôt qu'elle avait confié à mes soins. Vous fûtes souvent témoin de ma mélancolie. Elle vous intéressa et rebuta peut-être la vive et brillante Maria. Bientôt, un autre objet vint l'occuper en entier, et m'enlevait même la faible espérance de pouvoir jamais lui plaire. Je combattais entre la nécessité de partir et le désir de rester lorsque je reçus inopinément une lettre de Caroline elle-même, dans les premiers jours d'octobre. Elle me fut renvoyée de ma terre de Delafort où elle était adressée. Je la reçus le matin du jour où nous devions tous aller à Withwell. Vous vîtes l'émotion qu'elle me donna, et qui fut d'autant plus vive que l'écriture, les expressions de ma pauvre repentante pupille me firent présumer qu'elle était très malade et qu'elle avait un pressant besoin de mon secours. Elle me disait où je la trouverais. C'était dans un hameau tellement retiré que je ne fus pas surpris qu'elle eût échappé à toutes mes recherches. Je n'avais donc pas un instant à perdre et je résolus de partir tout de suite pour aller la chercher. Je parus fort étrange, fort entêté. Vous seul ne fîtes aucun effort pour me retenir, et pardonnez si j'ose croire que vous étiez celle qui me regrettait le plus. Je partis très inquiet de l'état où je trouverais ma fille adoptive, et le cœur serré du regard courroucé de Maria, qui ne me pardonnait pas de faire manquer cette partie. Oh, combien j'étais alors loin de me douter que cet heureux Willoughby, dont les regards me reprochaient l'impolitesse de mon départ, fut celui qui en était la cause, et lui-même, s'il avait su que j'allais au secours de celle qu'il avait perdue, abandonnée. Mais en aurait-il été moins gai, moins satisfait? Un sourire de Maria ne lui faisait-il pas oublier les larmes de ma pauvre Caroline? Non, non, l'homme capable de laisser la jeune fille dont il a séduit l'innocence, de la laisser dans la misère et dans l'abandon, sans asile, sans amis, sans secours, ignorant sa retraite, et qui, pendant que sa victime meurt de sa douleur, médite peut-être la perte d'une autre. Non, un tel être n'est pas susceptible de remords. Il avait quitté Caroline en lui promettant de revenir bientôt. Il n'était pas revenu. Il ne lui avait pas écrit. Il ne pensait plus à elle. Un mouvement involontaire avait fait baisser les yeux à Elinor, comme si elle avait eu honte pour sa sœur d'avoir été même, sans le savoir, complice d'une telle perfidie. Elle le releva plein d'indignation. « C'est au-dessus, dit-elle, de tout ce que je pouvais imaginer. Mais, mon cher colonel, pourquoi ?» Elle s'arrêta, tremblant elle-même du reproche qu'elle se croyait en droit de lui faire. « Je vous entends, dit-elle, pourquoi ne vous ai-je pas averti de plus tôt ?»« Non, je ne puis vous exprimer ce que j'ai souffert depuis mon retour. Combattant chaque jour, chaque instant avec moi-même, pour vous cacher ou vous découvrir cette histoire. Lorsque je vis que Willoughby ne retournait point à Barton, j'espérais que quelque incident vous avait dévoilé son caractère, ou que sa légèreté l'avait entraîné loin de Maria, et qu'il n'était plus dangereux pour elle. Mais quand je vis, quand j'appris de vous-même, qu'elle l'aimait plus tendrement, plus passionnément que jamais, quand le bruit de leur mariage se répandit généralement, quand je sus qu'ils étaient en correspondance, alors qu'aurais-je pu dire ? Mon intérêt personnel dans toute cette affaire était si grand, si compliqué, qu'il m'était peut-être interdit de m'en mêler, lorsque tout était conclu. Je n'aurais peut-être persuadé personne, et Maria, blessée, désespérée, et par moi, m'offrait un tableau affreux à soutenir. Willoughby, sans doute, avait été rendu à la vertu par l'empire irrésistible d'une famille telle que la vôtre et des charmes de Maria. Il avait continué à l'adorer, et j'osais espérer que, revenu de ses erreurs de jeunesse, il la rendrait heureuse. Jamais je n'avais eu l'espoir que ma pauvre Caroline pût devenir sa compagne, vu la tâche de sa naissance, celle même de sa séduction. Sans doute, il fut bien coupable avec elle, mais dans ce siècle, si l'on comptait trop sévèrement les torts de cette espèce, quel jeune homme serait digne d'obtenir la main d'une femme honnête ? Et celle qui allait appartenir à Willoughby réunissait tant de perfections qu'elle devait sans doute fixer son inconstance. Voilà, chère Elinor, les motifs de mon silence. J'allais jusqu'à me persuader que dans ma situation, c'était un devoir de me taire. Cependant, un sentiment intérieur m'a souvent engagé à m'ouvrir entièrement à vous. Et si je vous avais trouvé seul la semaine passée, quelques rapports sur Willoughby, sur la cour qu'il faisait publiquement à Miss Grey et la tristesse de Maria m'auraient enfin décidé à vous parler. Je vins ici déterminé à vous faire connaître la vérité. Je commençais une explication. Vous m'interrompîtes en m'assurant que vous ne croyiez point que le mariage de votre sœur eût lieu. Alors je me retins. Pourquoi nuire sans nécessité à un homme qui me regarde déjà comme son ennemi, que j'ai déjà puni de sa perfidie ? Mais actuellement qu'il en agit aussi indignement avec Maria, je n'ai plus de ménagement à garder, et je dois faire connaître à votre sœur le danger qu'elle a couru en s'attachant à un homme sans principe, sans mœurs, sans délicatesse, qui lui destinait sans doute le même sort que ma pauvre Caroline, s'il avait pu triompher aussi facilement. Ah, quel que soit son chagrin actuel, il doit se changer en reconnaissance pour l'être suprême qui a veillé sur elle, et la garantie des pièges dont elle était environnée. Qu'elle compare son sort avec celui de ma pauvre enfant trompée aussi dans le premier choix de son cœur, et n'ayant plus la consolation de sa propre innocence. Qu'elle se représente, cette jeune fille, avec une passion dans le cœur aussi forte, aussi vive que la sienne, et peut-être augmentée par ses sacrifices, tourmentée de l'abandon de celui qu'elle aime, et pour qui elle a renoncé à sa propre estime, et des reproches cruels de sa conscience, qui ne cesseront jamais. Il est impossible que Maria ne trouve pas alors ses souffrances bien légères. Elle ne procède pas d'elle-même. Elle a conservé dans son entier sa propre estime et celle de tous ses amis. Une tendre compassion de son malheur, le respect pour la dignité avec laquelle elle le supportera sans doute, ne peuvent qu'augmenter leur amitié. Et peut-être que celui qu'elle regrette, parce qu'elle le voit encore sous le bandeau des illusions de l'amour, cessera de l'intéresser quand il lui sera mieux connu. usez, chère Elinor, de votre prudence, de votre discernement, pour lui communiquer ce que je viens de vous dire. Vous pouvez bien mieux que moi juger de son effet et de ce que vous devez lui apprendre ou lui cacher. Mais si je n'avais pas cru de bonne foi et dans ma conscience que cette histoire puisse vous être utile pour adoucir ses regrets, je ne me serais jamais permis de vous troubler par le détail de mes propres afflictions et par un récit d'où l'on peut présumer que je cherche à me relever aux dépens des autres. » Elinor le remercia avec l'expression de la plus tendre reconnaissance et lui dit qu'elle pensait comme lui que cette communication serait avantageuse à sa sœur. « J'étais plus peinée, dit-elle, de l'avoir essayé de le justifier que de tout le reste. Elle ne peut supporter qu'on l'accuse ni qu'on le soupçonne. Mais ici, il n'y a plus que des soupçons. C'est une certitude de son indignité qui doit faire effet sur un caractère tel que celui de Maria. Quoique d'abord elle en souffrira beaucoup, je suis presque sûr de l'efficacité de ce remède. » Après un court silence, elle ajouta, « Avez-vous revu M. Willoughby depuis que vous l'avez quitté à Barton ?»« Oui, » répondit gravement le colonel. « Je l'ai vu une fois. Notre rencontre était inévitable. » Elinor, frappée de son accent, le regarda avec étonnement, en lui disant, « Expliquez-vous. Comment, où l'avez-vous rencontré ?»« Il n'y avait qu'une seule manière. » Caroline m'avoua enfin, quoiqu'avec beaucoup de peine, le nom de son séducteur. Je ne pouvais pas laisser passer son indignation sans lui dire mon opinion sur sa conduite avec la jeune fille confiée à mes soins. Je lui écris à Altenham dans des termes qui l'obligèrent à se rendre directement à Londres, où je lui donnai rendez-vous. Il y fut exact, car l'homme qui manque aux lois de l'honneur, avec un sexe faible et sans défense, n'a garde d'y manquer avec son propre sexe. Nous nous rencontrâmes donc, lui pour défendre et moi pour punir sa conduite. Il fut blessé au bras. Je n'en voulais pas à sa vie, et lors même que le désir de la conserver l'aurait engagé à m'offrir de réparer ses torts en épousant Caroline, je n'y aurais pas consenti. L'exemple de sa mère m'a trop fait sentir les dangers d'une union qui n'est pas fondée sur un attachement et une estime réciproque. J'aime mieux consoler mon enfant d'une faiblesse excusable, peut-être, dans un âge aussi tendre, que de l'exposer à devenir bien plus coupable en l'unissant à un homme dont les principes sont aussi relâchés. Désolé de n'avoir pas su prévenir le malheur de la fille de mon Elisa, d'avoir si mal répondu à sa confiance, je consacre le reste de ma vie à adoucir ses peines, à la réconcilier avec elle-même, à la consoler d'une faute qu'elle peut encore réparer à force de vertu et en remplissant tous les devoirs qui lui sont imposés. Est-elle à Londres ? Non. Sa santé avait besoin d'un air plus pur. Je la trouvais prête de devenir mère. Son fils, qui sera le mien, l'occupe uniquement. Je l'ai placé à la campagne chez des gens dont je suis sûr, comme une jeune veuve. Et si l'on peut croire à l'efficacité d'un profond et sincère repentir, le ciel lui a pardonné une faute aussi chèrement payée. Se rappelant tout à coup que Maria avait peut-être besoin de sa sœur, que Madame Jennings allait rentrer, il termina sa visite, recevant encore tous les remerciements d'Elinor, et la laissant pleine d'estime pour lui, de compassion pour sa fille adoptive et d'indignation contre Willoughby.